Chapitre 9. Georges entre au collège. La veille du départ de Georges pour le collège, M. Dormer et les enfants venaient de déjeuner. Il était 1 heure et ils se promenaient devant le château quand ils virent arriver Mademoiselle Primrose. Mademoiselle Primrose. « Bonjour mon cousin, bonjour mes enfants. Je viens faire mes adieux aux futurs collégiens. Oh, on est un peu triste aujourd'hui. Personne ne parle. » C'est très bien. Il faut toujours un peu pleurer quand on se quitte. Je n'aime pas les gens qui rient toujours. Qui est-ce qui mène Georges? Est-ce vous, mon cousin? Monsieur Dormer. Certainement, ma cousine. Je ne me séparerai de mon fils que le plus tard possible. Mademoiselle Primrose. À la bonne heure. Vous étiez si gai l'autre jour que je venais vous offrir de vous éviter l'ennui du voyage en accompagnant Georges moi-même. Monsieur Dormer. Merci, ma cousine. « Je ne céderai à personne cette triste satisfaction. » Mademoiselle Primrose. « Et toi, Geneviève, y vas-tu ? » Geneviève. « Si mon oncle veut bien le permettre, ma cousine, cela me fera grand plaisir de connaître la maison où va demeurer Georges. » Mademoiselle Primrose. « Emmenez-vous Geneviève, mon cousin ? » Monsieur Dormer. « Je ne demande pas mieux, il y a à peine 2 heures de chemin de fer. Le voyage ne la fatiguera pas. » Nous reviendrons ici le soir même pour dîner. Mademoiselle Primrose. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Un homme tout noir, un nègre, Dieu me pardonne. Il vient ici. Prenez garde, il approche. En effet, Ram s'approchait. Il ôta son chapeau et, à la grande surprise de Mademoiselle Primrose, il prit la main de Geneviève. Ram. Moi, venir voir si petite maîtresse besoin de Ram. Geneviève. Pas à présent, mon bon Ram. « Va chez Pélagie, je t'appellerai. » Mademoiselle Primrose. « Qu'est-ce que c'est que cela, grand Dieu? Où avez-vous pêché cet homme noir, mon cousin? Et comment ose-t-il prendre la main de Geneviève ?» Monsieur Dormer. « C'est un fidèle serviteur de mon frère et de ma belle-sœur. Il est arrivé depuis 3 jours. Il paraît fort attaché à ma nièce, qu'il a soignée et portée dans ses bras pendant sa petite enfance, et je lui ai permis de rester près d'elle. » Il est attaché à son service particulier. Mademoiselle Primrose. Eh bien, en voilà du nouveau. Quel chevalier d'honneur! Comment l'appelez-vous? Georges. Il s'appelle Ramor. Mademoiselle Primrose. Ramor? Drôle de nom. Je voudrais bien l'entendre parler. Ça parle si drôlement, ces nègres. Geneviève. Voulez-vous le voir, ma cousine? Il est allé chez ma bonne. Il est bon, il m'aime tant. Papa et maman l'aimaient beaucoup. Il était toujours avec moi. Mademoiselle Primrose. Oui, certainement, ma petite Geneviève. Je veux faire connaissance avec lui. Geneviève. Montons alors chez ma bonne. Vous le verrez bien à votre aise. Mademoiselle Primrose, enchantée, suivit Geneviève chez Pélagie. Mademoiselle Primrose. Bonjour, ma bonne Pélagie. Je viens vous voir et dire bonjour à ce monsieur nègre. « Bonjour, monsieur Ramor. » Ram. « Bonjour, madame. Moi, pas moussu. Moi, Ram. Pauvre nègre, pas moussu. » Mademoiselle Primrose. « C'est bien ce qu'il a dit là. Vous aimez beaucoup, maîtresse ?» Ram. « Oh oui, moi aimer, moi servir, petite maîtresse, toujours, toujours. » Mademoiselle Primrose. « Qui aimez-vous encore, excellent serviteur ?» Ram. Moi aimer qui aime petite maîtresse, moi pas aimer, moi haïr qui fait mal à petite maîtresse. Mademoiselle Primrose. Dieu, quels yeux il fait, c'est effrayant. Et dites-moi, mon cher Ram, aimez-vous Georges? Ram froidement. Moi, connais pas. Mademoiselle Primrose. Comment, vous ne le connaissez pas, le cousin de Geneviève? Ram de même. Moi, connais pas. Mademoiselle Primrose. Et monsieur Dormer, vous le connaissez bien, l'aimez-vous? Ram. Moi, connais pas. Mademoiselle Primrose. Ah, je vois ce que c'est. Vous voyez que Georges et monsieur Dormer n'aiment pas Geneviève. Ram avec colère. Moi, Adi, connais pas. Mademoiselle Primrose. Il me fait peur avec ses yeux étincelants. Connais pas, je comprends ce que cela veut dire, connais pas. « Voyons, mon excellent ami, ne vous fâchez pas. Moi, j'aime beaucoup petite maîtresse. Ainsi, il faut aimer moi aussi, mon bon Ram, et pas faire des yeux terribles à moi, mamselle Primrose. » Ram riant. « Vous, mamselle, vous, Rose ?» Mamselle Primrose. « Oui, mon cher Ram, je suis mamselle comme Geneviève, et pas Rose, mais Prime Rose. Et j'aime beaucoup ma petite cousine Geneviève, n'oubliez pas cela. » Ram jeta un regard interrogateur sur Pélagie et sur Geneviève. Mademoiselle Primrose se mit à le questionner sur une foule de choses. Geneviève finit par s'ennuyer de cette longue conversation et bâilla. Aussitôt, Ram s'approcha d'elle et lui prit la main en disant « Petite maîtresse ennuyée, Ram, plus parler. » Mademoiselle Primrose à demi-voix. « Tiens, il n'est guère poli, ce fidèle serviteur. C'est mal élevé, ces nègres. » « Allons, je m'en vais. Viens-tu, Geneviève ?» Geneviève. « Non, ma cousine, je reste avec Ram, qui va me faire des meubles pour ma poupée avec son couteau. » Mademoiselle Primrose descendit seule et rejoignit M. Dormer et Georges, qui enveloppaient divers objets que son père venait de lui donner pour le collège. Mademoiselle Primrose. « Vous faites vos derniers préparatifs de départ, mon cousin. Je ne veux pas vous déranger, je m'en vais. Au revoir, mon cousin. » « Adieu, Georges. J'ai causé avec votre rat mort. Je ne peux pas m'habituer à ce nom. C'est un drôle de corps. Il a des yeux si brillants que c'est effrayant par moments. Je viendrai causer avec lui quelquefois, car je m'ennuie souvent là-bas chez les Saint-Aymar. Cornélie n'est pas toujours de bonne humeur. Monsieur de Saint-Aymar est sans cesse absent. Je viendrai souvent chez vous, mon cousin, et puis j'emmènerai quelquefois Geneviève. Vous voudrez bien, n'est-ce pas ? Adieu, je m'en vais. » « Bon voyage. Quand vous irez voir Georges, vous me préviendrez, n'est-ce pas ? Je vous accompagnerai. Adieu, Georges, amuse-toi bien et sois bon garçon. Ne va pas bourrer tes camarades comme tu bourres Geneviève. Une fille, cela n'a pas de défense, mais les garçons, ce sont de vrais diables. N'oublie pas cela, ils te battraient comme plâtre. Sais-tu pourquoi on dit battre comme plâtre ?» Dormer impatienté. « Adieu, adieu, ma cousine, nous sommes un peu pressés. Nous avons beaucoup à faire. » Mademoiselle Primrose. C'est ce que je vois. Je voudrais seulement expliquer à Georges. Monsieur Dormer. Je lui expliquerai, ma cousine. Adieu. Mademoiselle Primrose comprit enfin qu'elle était importune et s'en alla. Il n'est guère poli, se dit-elle. Je parie qu'il ne saura rien expliquer à Georges. C'est pourtant intéressant ce que j'avais à lui dire. C'est ainsi qu'on fait l'éducation des enfants. On leur apprend un tas de choses tout en causant. Mais celui-ci ne saura jamais rien avec ce père maussade. C'est un vrai ours que ce coquin. Au reste, qu'ils s'arrangent comme ils voudront, je ne m'en mêle plus. » Le lendemain, M. Dormer et Georges s'apprêtaient pour aller gagner le chemin de fer. Geneviève mettait son chapeau dans sa chambre. Georges. « Papa, je suis fâché que vous emmeniez Geneviève. Elle va vous gêner pour vos courses à Paris. » Monsieur Dormer. C'est bien ce que je pense, mais elle a demandé à nous accompagner. Je croyais que cela te ferait plaisir. Georges. Moi ? Pas du tout, papa. Au contraire, elle me gêne. Et puis le nègre voudra la suivre, bien certainement. Nous allons avoir encore une scène, vous verrez cela. Monsieur Dormer. Je ne veux pas te contrarier, mon pauvre garçon. Je veux lui dire que j'ai des affaires à Paris. Va l'appeler, je lui annoncerai tout doucement. Georges partit en courant. « Geneviève, Geneviève !» lui cria-t-il. « Tu n'as pas besoin de mettre ton beau chapeau, papa ne t'emmène pas. » Geneviève étonnée. « Pourquoi cela ?» Georges. « Parce que tu le gênerais. Il a des affaires à Paris, et puis il aime mieux être seul avec moi. » Geneviève tristement. « Mais mon oncle m'avait dit hier... » Georges. « Hier n'est pas aujourd'hui, il a changé d'idée. Je vais te dire adieu, car nous partons. » Geneviève embrassant Georges à plusieurs reprises. « Adieu, Georges, adieu. Je suis fâchée de te quitter si brusquement. Tiens, Georges, prends ce petit souvenir de moi. Il te sera utile là-bas. Je voulais te le donner au collège. » Geneviève tira de sa poche un joli portefeuille en cuir de Russie qu'elle lui mit dans la main. Georges, touché de cette aimable attention, embrassa affectueusement Geneviève et s'en alla, un peu repentant de cette dernière méchanceté qu'il venait de lui faire. Monsieur Dormer. « Eh bien, Geneviève ne descend pas pour nous dire adieu ? » Georges. Non, papa, elle m'a dit adieu en haut et elle m'a donné un joli portefeuille. » Ils montèrent en voiture. Georges voulut voir le dedans de son portefeuille. Il l'ouvrit et vit avec autant de plaisir que de surprise qu'il contenait un petit couteau, des ciseaux, un porte-plume, un porte-crayon, une petite lime, une pince, plusieurs compartiments pour mettre des papiers, et puis un compartiment plein de timbres-poste, un autre avec une petite pelote d'épingle, enfin une petite glace et un petit peigne en écaille. Georges. « Oh, que c'est joli, papa! Voyez donc comme Geneviève est bonne! Comme tout cela va me servir au collège !» Monsieur Dormer. « Oui, très joli et très utile. C'est fort aimable à Geneviève. Je regrette que nous ne l'ayons pas emmenée. Cette pauvre enfant, elle croit peut-être que c'est un caprice de ma part. » Georges. « Non, papa, je lui ai dit que vous étiez bien fâché, mais que vous aviez des affaires importantes à régler. Elle a bien compris qu'elle vous gênerait. » Monsieur Dormer. Pauvre enfant, heureusement qu'elle a son rame et Pélagie qui l'aiment bien et qui vont la consoler. 3 heures après, Monsieur Dormer et Georges arrivèrent rue Vaugirard au collège des Pères Jésuites. Georges se trouva un peu intimidé au premier moment, mais l'accueil que lui firent les bons pères le rassura promptement et il demanda lui-même à faire connaissance avec ses futurs camarades. Ils étaient en pleine récréation. Monsieur Dormer et Georges furent un peu ahuris par les cris qui partaient de tous côtés, mais quand ils surent que c'était des cris de joie, Georges demanda à prendre sa part. Le père qui l'accompagnait le présenta à ses camarades, parmi lesquels il aperçut Jacques et Rodolphe. Georges fut immédiatement entraîné et mis au courant du jeu qui excitait les rires et les cris de tous les enfants. Quand la cloche sonna à la fin de la récréation, chacun courut prendre son rang pour entrer à l'étude. « Allons, Georges, » dit le père qui causait avec M. Dormer. « Venez dire adieu à monsieur votre père, et ne pleurez pas trop si vous pouvez. » « Georges. « Je n'ai pas envie de pleurer, père. » Le père. « Ah ah, vous avez déjà pris le langage de nos enfants. Père au lieu de mon père. C'est très bien. Je vois que nous n'aurons pas beaucoup de peine à vous habituer au collège. » Georges. « Oh non, père, je suis très content. » Le père. « J'espère que nous aussi nous serons très contents, que vous travaillerez bien, que vous serez sage. » Georges. « Oui, oui, père, vous verrez, vous verrez. Où faut-il que j'aille ?» Le père. « Quand vous aurez dit adieu à monsieur votre père, je vous mènerai au père de la noix qui vous mettra au courant. » Georges. « Je voudrais être auprès de mon cousin Jacques. » Le père. « Ah, Jacques est votre cousin ? Je vous en félicite, car c'est un de nos meilleurs élèves. » Monsieur Dormer. Je vois, mon révérend père, que je puis m'en aller sans causer de peine à mon fils. Adieu, Georges, adieu, mon ami. Je viendrai te voir dimanche prochain. Monsieur Dormer embrassa son fils plusieurs fois. Georges, froidement. Adieu, papa, au revoir. Soyez tranquille, je suis très content. Et il se retourna vers le père pour s'en aller. Monsieur Dormer soupira, salua le père. Le père. « Vous n'accompagnez pas votre père jusqu'à la porte, Georges ?» Georges. « C'est que je voudrais bien rejoindre mes camarades. » Monsieur Dormer. « Va, va, mon ami. Ne vous donnez pas la peine de me reconduire, mon révérend père. Je trouverai bien la porte tout seul. Adieu, Georges. » Monsieur Dormer se retira. Le père fronça un peu le sourcil, mais ne dit rien au nouvel élève qu'il alla remettre entre les mains du père de la noix. Quand M. Dormer remonta dans sa voiture, une larme mouilla sa paupière. La froideur de l'adieu de son fils l'avait péniblement impressionné. « Serait-il ingrat ?» se demanda-t-il. « Moi qui l'aime tant et qui ai toujours été si indulgent pour lui. Avec quelle insouciance il m'a quitté ? Geneviève aurait témoigné plus de cœur. » M. Dormer termina une ou deux affaires chez son notaire, dîna au restaurant et repartit pour Plaisance vers 8 heures. Il était de retour à 10 heures. Geneviève était couchée depuis longtemps. Il ne la revit que le lendemain.